Les cauchemars de Hans. Dans les cauchemars de Hans, la police fonçait toujours des quatre coins, bottes, masques et boucliers. Ils étaient innombrables et partout, avec matricule, matraque et Doberman. Quand ils débarquaient, le compte était bon. Il n'y avait rien à faire. Toutes les issues étaient bloquées. Ils étaient dans les ruelles, dans les placards et sous le lit. Dans les cauchemars de Hans, la peur ne venait pas de la douleur d'une raclée, des coups de pied ou des électrocutions. Ce n'était pas non plus la mort, l'idée d'être criblé de balles comme une passoire. Non, ce qui était réellement terrifiant, ce qui le projetait chaque nuit dans un abîme de cris et de sueurs froides, c'était l'emprisonnement, l'isolement, la torture interminable. Il ne verrait plus la lumière du soleil ou ses amis. Les flics le drogueraient, l'empêcheraient de dormir, lui offriraient une série de supplices statistiquement éprouvés. Puis, s'il tentait de se suicider, s'il arrêtait de manger, ils le gaveraient comme un canard avec des tubes. Plus moyen de vivre et plus moyen de mourir. Suspendu, comme ça, dans une éternité de souffrance, jusqu'à ce que son esprit s'écroule. L'impuissance totale, la désincarnation. Il deviendrait un simple objet, l'objet de quelqu'un d'autre. Les cauchemars de Hans étaient tous les mêmes. Mais les hélices d'hélicoptères, les rafales d'Aka, se faisaient insistantes, puissantes, tonnantes à travers l'édifice désaffecté. Jusqu'à ce que Hans ouvrit les yeux et réalisa que ce n'était pas un rêve. Bang! Explosion de grenades. Bang, bang! Hans s'était couché en caleçon sur le matelas humide, situé au fond, dans une des pièces du squat. Sur le mur de béton reposait son AK, une poignée de pipe bombs, des grenades artisanales en tuyaux de PVC. Son vieux paletot de cuir traînait sur une chaise à trois pattes. Le sang se glaça dans ses veines. Dehors, l'aube imminente, le ciel violet ponctué par trois hélices blindées, filant en cette direction. Des coups de feu résonnaient plus haut, sur le toit. Cauchemar et réalité se fondaient dans un tourbillon vertigineux. L'horreur fut complète lorsqu'il réalisa qu'il était seul. Svet aurait dû être là, couché près de lui. Seul. En deux temps trois mouvements, il fouilla dans son pantalon, trouva l'oreillette. « Qu'est-ce qui se passe ? » cracha-t-il dans le micro. « Répondez !» Un faible grésillement fut la seule réponse. Lorsque Hans comprit que la police brouillait les signaux, des sons de bottes résonnaient déjà depuis l'escalier de service et s'engageaient sur l'étage. Une unité de l'escouade tactique. Leur viseur laser vert émeraude luisait déjà sur les murs. L'espace d'une seconde, Hans se figea. Des émotions conflictuelles lui serraient la gorge comme un étau. De multiples variables lui apparurent, chacune s'ouvrant sur une panoplie de ramifications. Mais elles convergeaient toutes vers la même sortie, la seule sortie. Tout devint clair. D'un geste fluide, Hans enfila son paletot de cuir, balança la sangle de son AK par-dessus son épaule. Dans la poche du manteau, un briquet. Il saisit ses pipe bombs, alluma toutes les mèches et les lança par la porte vers l'unité tactique. L'instant d'après, il bondissait par la fenêtre de l'édifice, soudainement accueilli par la brise matinale. Chutant, comme un oiseau de proie, ses ailes de cuir déployées dans le vent, pour aller s'écraser violemment sur le toit de l'étage plus bas. Lorsque les pointes de gravelle s'enfoncèrent dans sa peau, la déchirant ça et là, son cri étouffé fut assourdi par le bruit des explosions détonnant plus haut, avec l'écho des fragments de shrapnel contre les murs de béton, le hurlement des blessés. Propulsé par son momentum, Hans roula sur le toit, chuta rapidement, trop rapidement, par-dessus bord. Plongeant dans le vide, il tenta de s'accrocher à une gouttière rouillée, mais se fendit la main sur la tôle et dégringola. Il tomba comme un boulet pour aller s'écraser sur une butte de compost, autant de pelures, de feuilles mortes et d'immondices amortissant sa chute. C'est alors que les hélicoptères blindés surgirent au-dessus de lui. Trois monstres métalliques avec leurs phares, leurs déchiqueteuses à canon. Le logo de la Hope Sec luisait dans sa perfection esthétique. Sous le choc, Hans roula sur le côté, réussit à se relever, chancelant, pieds sanglants dans la terre fraîche. Il en croyait à peine ses yeux. Les soldats étaient là, partout, des centaines, dans tous les étages, sur toutes les rues et dans la cour. Hans ouvrit le feu, sur la première forme en armure, tourna les talons. Derrière le cabanon, les herbes hautes cernaient une grille rouillée, quasi invisible à l'œil nu. Hans s'y était faufilé avant que les mercenaires de la Hope Sec ne puissent riposter. C'était une chute libre. Ses genoux frappèrent le ciment. Le tunnel Wellington avait été condamné un siècle plus tôt. Le passage se poursuivait 1 kilomètre plus loin, à moitié inondé, l'air empestant la pourriture et les cadavres de rats. Des faisceaux de lumière convergèrent vers Hans, recroquevillé comme un enfant. La faible lueur révéla le museau d'une mitraillette, les tatouages, les cheveux blancs. Nilsin haletante. « Hans !» lança-t-elle. « Allez, faut sacrer le camp! On fait sauter l'entrée du tunnel! Vite! Vite !» Hans releva les yeux vers elle, réalisa que Svet n'était pas là, qu'elle était restée derrière. Un spasme violent le secoua à la suite de ce constat. Il tenta de se relever, échoua, s'écroula sur lui-même. Il n'avait plus la force, plus la volonté de courir. Son visage se tordit de souffrance, mais les larmes ne venaient pas. Aucun son ne pouvait plus s'élever de sa gorge. Juste cette espèce de sillement pénible, alors qu'il tentait de formuler un seul mot, un nom. Il n'arrivait simplement pas à prononcer la première lettre.